Bon, bingo, merci. Bonjour. Bonjour. La minute. Bon. Okay, c'est bon. Merci pour le petit coup, là, André. Est-ce que je ressemble au moins à quelqu'un qui dort les nuits, là, ou ça s'en vient? Bon, c'est une première victoire. Pour le reste, bah, soyez indulgents. Je suis un apprenti prédicateur, donc je compte sur votre patience. Un plan parfait pour nous qui sommes imparfaits. Parce que Dieu, son plan est parfait. Mais notre foi, nous, elle a des hauts et des bas. Quelque part dans Ecclésias, il va nous dire que Dieu a fait l'homme droit, mais l'homme a cherché de nombreux détours. Et dans un psaume, la parole de Dieu dit que, je vais le lire, ensuite je vais le redire dans d'autres mots. L'Éternel a fermé les pas de l'homme et prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé car l'Éternel lui prend la main. En d'autres mots, l'Éternel apprend l'homme à marcher avec lui tranquillement. Il fait des petits pas de foi, peut-être aussi des grands pas de foi. Et s'il tombe, qu'est-ce qui se passe? Dieu ne le menace pas. Dieu ne le juge pas. Dieu ne lui impute pas son péché. Dieu le prend par la main. Et quand ça dit, prends plaisir, hein, vous savez que la Bible nous dit que là où il n'y a pas de foi, ça ne peut pas être agréable à Dieu. Donc, il marche des petits pas de foi, Dieu prend plaisir. Et s'il tombe, Dieu ne le juge pas. Est-ce que ça ressemble à la vie d'Abraham, ça? C'est le résumé de sa vie qu'on a vu jusqu'ici. Et c'est le résumé de la nôtre aussi. Alors, Abraham, lui, à 75 ans, Dieu l'a appelé et lui a dit, sors de la maison de ton père, de ta patrie. À 75 ans, il commence à apprendre à marcher avec Dieu. Jusqu'à sa mort, il va apprendre. Mais on voit une évolution dans la foi d'Abraham. OK? Et pourquoi cette évolution? Parce que Dieu intervient dans la vie d'Abraham. Et c'est très précisément ce qu'on veut voir ce matin. Voir avec vous, c'est... Je dis Abraham, OK, mais ça s'applique à nous. C'est l'enfant de Dieu face à Dieu. Donc, ces quatre interventions qu'on va voir dans le texte qu'on va lire ce matin, que Dieu va faire dans la vie d'Abraham et de sa femme Sarah, particulièrement quand ils sont faibles dans la foi pour les ramener à lui. Hein. J'ai appelé ça ici la croyance défaillante, quand ils sont faibles par rapport au plan de Dieu pour eux. Et quand nous sommes faibles par rapport au plan de Dieu pour nous, quand nous sommes faibles par rapport au plan de Dieu pour son Église, Dieu intervient. On va voir quatre interventions ensemble. Est-ce que ça vous va? Vous ai pas laissé beaucoup de choix de toute façon. Même si, pardon? Même si ça ne vous va pas, c'est ce qu'on va voir.

et moi, je ne l'apprends qu'aujourd'hui. » Et Abraham prit des brebis et des bœufs qu'il donna à Abimélec. Ils firent tous deux alliance. Abraham mit à part 7 jeunes brebis. Et Abimélec dit à Abraham, « Qu'est-ce que c'est cette brebis que tu as mise à part ?» Il répondit, « Tu accepteras de ma main ces 7 brebis, afin que cela me serve de témoignage que j'ai creusé ce puits. » C'est pourquoi on appela ce lieu Beersheba, car c'est là qu'ils jurèrent l'un et l'autre. Ils firent donc alliance à Beersheba. Après quoi, Abimélec se leva avec Picol, chef de son armée, et ils retournèrent au pays des Philistins. Abraham planta des tamaris à Beersheba, et là il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu de l'éternité. Abraham séjourna longtemps dans le pays des Philistins. Un beau texte, hein? Un très beau texte. Et un tournant majeur dans la vie d'Abraham et sa femme, Sarah. Mais pourquoi je ferai un petit retour en arrière par rapport aux autres passages que j'ai dit là, Genèse 17, 18 et 20 qu'on a vu avec Gilles? C'est parce que pour bien contextualiser les miracles que Dieu a accomplis ici dans la vie de Sarah, il faut peut-être regarder quelques éléments, quelques événements qui sont passés dans leur vie en arrière. Alors, moi, je vous propose ces 4 qu'on va regarder ensemble dans le texte, intervention de Dieu. Donc, le Dieu qui fait un miracle, Dieu qui restaure la confiance du croyant qui est affaibli dans sa foi, okay? Dieu qui redonne la joie au croyant défaillant, au croyant qui est affaibli dans sa foi, et Dieu qui rassure quand il y a un doute, quand il y a une crainte, quand il y a une peur, quand il y a une hésitation. On va le voir ensemble. Donc, Dieu qui fait le miracle, le Dieu des miracles, on a vu que dans Genèse 17, Dieu apparaît à Abraham. C'est bien dit, il apparaît à Abraham. Abraham a 99 ans. Et Dieu lui annonce des gros changements dans sa vie. Des gros changements à 99 ans. Le nom change. Fait que 99 ans, ça se peut qu'il a des amis. Là, il faut que tu informes pas mal tout le monde que je ne suis plus Abraham. Là, je suis Abraham qui est en lien avec la bénédiction que Dieu lui a donnée. Okay? Qui signifie père d'une multitude de nations. Il va se faire circoncire à 99 ans. OK? Et il reçoit une promesse d'un enfant, une promesse qui le bouscule un peu. Parce qu'à 99 ans, dans tous ces changements, Dieu lui dit, dans un an, tu vas avoir un enfant. Là, Abraham, avec tout ce qu'on vient de lui annoncer comme changement, et celui-ci, il rit dans son cœur parce qu'il perçoit son âge comme un obstacle. Ce n'est pas la capacité de Dieu à faire des miracles qui est un problème. Ça dit clairement l'âge, OK? C'est ça, mon physique, moi, qu'il perçoit comme un obstacle. Il a 99 ans. Quand Dieu annonce tous ces changements dans la vie. Mais Sarah n'est pas là quand Dieu lui dit ça. C'est écrit, il apparaît à Abraham. Quand on arrive dans Genèse 18 qu'on a lu avec Pierre, que Dieu est de passage pour aller à Sodome et Gomorre avec 2 anges, parce qu'il a décidé de détruire Sodome et Gomorre, il va s'arrêter chez Abraham, il va manger chez Abraham. Et là, Dieu, dans une conversation avec Abraham, va répéter la même promesse qu'il a faite à Abraham, mais il s'assure que Sarah l'entende. Sarah est quelque part derrière la tente, il va l'entendre. Là, quand Abraham faisait ses calculs dans sa tête, il disait, est-ce que j'aurai un enfant en 100 ans, puis Sarah va avoir 90 ans. Sarah aussi va faire la même réflexion par rapport à l'âge, pas par rapport à la capacité de Dieu à faire à la toute-puissance de Dieu. Et on l'a lu, je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit par Ludy, j'ai vu ses notes. Et là, Sarah réagit comme elle réagit sur fond de doute. De doute fondé sur l'obstacle qu'elle perçoit. Dans un an, là, un fils veut dire, dans 3 mois, je dois tomber enceinte. OK? Et humainement parlant, là, c'est difficile à comprendre dans l'immédiat de cette façon-là. OK? Mais quand Dieu a parlé à Abraham, voyant le cœur d'Abraham, il lui a dit, certainement, quand Abraham arrive là, Dieu lui a dit, et Abraham arrive, il plaide en faveur d'Ismaël pour dire, mais oh, que Ismaël vive devant sa face, devant ta face. Dieu dit, certainement, Sarah te donnera un enfant. Et la manière qu'Hébreu va nous l'expliquer là, il nous dit que quand Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui pour démontrer la certitude des promesses. Hein. Des fois, dans la Bible, ils vont utiliser un mot dans 8 secondes, l'immuabilité de ses promesses, pour montrer que ça va arriver. Il va jurer en disant certainement. Donc, il va attester à Abraham que vous allez avoir un enfant. Pourquoi j'insiste? Parce que la suite des événements qu'on a lus et la semaine passée avec Gilles, ça nous amène à nous poser des questions. OK? Après avoir reçu cette promesse certifiée par serment, les deux l'ont entendue. Ce n'est plus une question de promesse faite à Abraham. C'est les deux. Ils l'ont entendue. C'est une affaire de couple. Une promesse donnée à une famille. Cette famille va décider à l'intérieur de la même période, pas longtemps après les promesses, de partir de cet endroit où ils habitaient. J'ai mis un morceau du texte de Gilles. On a lu ça. Abraham partit de là. Là, c'est où il habitait chez les chênes d'un monsieur qui s'appelait Mamré. Vous vous souvenez de Mamré, chêne de Mamré? Et ce monsieur, il avait des bons liens avec lui. Quand il est allé faire la guerre à des rois pour délivrer l'autre, là, ce monsieur est avec lui et ses deux frères. Ils ont fait alliance. Là, Melchisedec est venu au devant de lui. Il a béni, là. Là, Dieu lui a apparu 3 fois. Il est bien, là. Et là, il décide de partir et d'aller ailleurs, à Guéra. Okay? C'est ça qu'on a vu avec... Et en allant là-bas, il s'entend avec sa femme. Là-bas, tu vas dire que tu es ma sœur. Okay? Et Abimelech, on l'a vu avec Gilles, lui dit, mais quelle était ton intention? Je ne reviendrai pas sur le message de Gilles. Mais Abraham dit, regardez la perception qu'il a du lieu où il s'en va. Sa perception du lieu, c'est, je me disais qu'il n'y avait aucune crainte de l'Éternel dans ce pays et qu'on me tuerait à cause de ma femme. Il y a une menace de mort perçue par lui, et aucune crainte de Dieu, mais il s'y rend quand même après avoir reçu les promesses. Et alors, la question qu'on se pose, c'est, Sarah va certainement accoucher. Elle va se retrouver dans un pays étranger, dans la maison d'un homme qui va en faire sa femme, alors qu'elle doit accoucher bientôt d'un enfant d'Abraham. Dans un pays où son mari perçoit comme une menace pour les deux, qu'est-ce qui s'est passé dans votre attachement aux promesses? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre attachement au plan de Dieu? Qu'est-ce qui peut justifier une telle déviation par rapport à tout ce que Dieu vient de vous dire, par rapport au plan de Dieu pour vous? C'est sûr que à la lumière des Écritures, il n'y a rien qu'on puisse dire explicitement, c'est écrit ici, que voici ce qui s'est passé dans la vie d'Abraham, voici ce qui s'est passé, c'est pourquoi il est allé à Guéra. Il n'y a rien. Mais on peut comprendre On peut comprendre parce que Abraham, quand il est à Mamré, là, et qu'il va voir Dieu sous forme humaine, là, il y a trois hommes qui viennent vers lui et reconnaît l'Éternel. Hey. Et l'Éternel lui dit, l'Éternel dit, est-ce que je vais cacher à Abraham là, ce que j'ai résolu de faire à Sodome et Gomorre? Abraham deviendra certainement une nation puissante et je l'ai choisi pour qu'il marche avec moi, pour qu'il apprenne à ses enfants à marcher avec moi. Là, il va initier une conversation avec Abraham. Du moins, Abraham va initier une conversation, il lui pose des questions. Quand il comprend que Dieu va détruire Sodome et Gomorre, le problème, c'est qu'à Sodome et Gomorre, il y a son neveu. Il y a Lot. Lot, Abraham, lui, il a déjà armé 318 hommes nés dans sa maison pour aller les délivrer de la main de 5 ou 6 rois, je ne me souviens pas. Là, il est à Sodome et Sodome va être détruit. Là, Abraham essaie de faire ce qu'il peut pour, disons, sauver Sodome. Il dit à Dieu, mais s'il y a 50 justes, tu fais quoi? Je vais les détruire. Dieu dit, s'il y a 50, je ne les détruirai pas à cause de 50. Bon, s'il en manque 5, Dieu fait le calcul. Il dit, s'il y en a 45, je ne détruirai pas. Bah, disons 40. Dieu dit, à cause de 40, je ne détruirai pas. OK? Bah, 30 d'abord. À cause de 30, je ne détruirai pas. Que le Seigneur ne se fâche pas, je parlerai. 20. S'il y a 20, je ne détruirai pas. OK. Je parlerai encore juste une dernière fois. Et s'il y en a 10, je ne détruirai pas. Peut-être que Abraham aurait peut-être pu dire, et l'autre d'abord, allons-y droit au but peut-être, et parce qu'il tient à l'autre. Il tient à l'autre. Et l'autre, c'est le fils de son frère qui est mort. Hein? Un orphelin de père, ça s'appelle. Et partout il va, il l'amène jusqu'à ce que les deux se séparent. Et quand ils se séparent, Abraham ne lui dit pas « va là-bas », il dit à l'autre « choisis ». Il tient à l'autre. Alors, suite à cet événement, la parole de Dieu nous dit que quand Dieu a fini de détruire les deux villes comme il avait parlé, l'autre ne sait pas ce qui est arrivé, il n'a pas les nouvelles, pardon, Abraham ne sait pas tout à fait ce qui est arrivé à l'autre, il n'a pas les nouvelles, hein, il ne sait pas. Il n'y a pas un fuyard là, qui est venu de Sodome pour venir lui dire ce qui est arrivé, ils sont tous morts. Mais ça dit, Abraham se leva de bon matin, je vous lis Genèse 19, 27, pour aller au lieu où il s'était entretenu en présence de l'Éternel. Il porta les regards du côté de Sodome, et sur tous les territoires de la plaine, et vit s'élever de la terre une fumée, comme la fumée d'une fournaise. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre. Mais Abraham, lui, n'est pas au courant de ça. Donc, il y a quand même un lien avec des événements qui se sont passés à Sodome et Gomorre. En regardant le texte attentivement, il y a une épreuve. Et Abraham n'est pas insensible à ce qui est arrivé, ou qui pense qu'il est arrivé à son neveu. Il n'est pas insensible, il y a une épreuve. Et à partir de ce moment-là, il décide, pas très longtemps après, de faire un voyage. L'Écriture ne nous dit pas comment il a planifié, pourquoi il a décidé d'aller. Mais on sait juste qu'il est allé faire un voyage qui est difficile à comprendre, qui est difficile à justifier. Et la question qu'on se pose dans ce contexte-là, c'est quand nous avons des épreuves, l'enfant de Dieu, un homme de foi, une femme de foi, on dit le juste, vit quelque chose de difficile. Ne comprend pas ce qui est en train d'arriver. Parce que j'en ai mis ici quelques exemples, ok? Et je ne veux pas trop focuser sur Abraham, parce qu'Abraham, aujourd'hui, l'Église est là. Et aujourd'hui, nous ne sommes en rien différent d'Abraham. La question est, quand les événements difficiles arrivent dans la foi d'un croyant, ça vient affecter notre attachement au plan de Dieu. Ça vient affecter notre foi. Ça vient affecter notre vie d'Église. Et des événements, que ce soit la perte d'un proche ou d'une proche, okay? Que ce soit une séparation ou un divorce, que ce soit une division dans une église, que ce soit une déception quelconque, la perte d'emploi. À l'école, beaucoup de jeunes vivent beaucoup de persécutions en lien avec l'intimidation. Se posent beaucoup qui vivent des épreuves, se posent des questions. Beaucoup même, ça n'arrive pas dans leur vie directement, ça arrive ailleurs dans le monde, comme quelqu'un me disait un jour, mais tout ce qui se passe en Haïti, là, vraiment, si Dieu vivait, si Dieu était là, pourquoi ça arriverait? Quand il y a des épreuves, ça vient affecter notre cheminement avec Dieu. OK? Moi, ce qui peut arriver, et on ne se rend pas nécessairement compte automatiquement, mais ce n'est pas rare que ça arrive, malgré que Marcel va faire une très belle guitare, que Roger va faire une très belle guitare, que Gilles va faire une très belle voix. Ça arrive que vraiment ce goût-là, je n'ai pas le goût de chanter avec vous, là, parce que... Peu importe le cantique que vous allez mettre là, je n'ai pas le goût parce que je boude de Dieu. Et parce que je boude de Dieu, je boude de l'Église. Et même l'Église, c'est souvent à la fin, quand on n'a pas envie d'être ici, là, c'est à la fin qu'on dit, ah, j'ai bien fait de venir. Mais au début, je peux bouder, je ne sais pas pourquoi, ben, je suis fatigué, franchement. Là. À cause de ce qui se passe, je n'ai pas le goût d'aller ce matin, que ce soit ici ou l'Église, maison, peu importe où, là. Ça peut arriver. Et ça peut arriver que, parce qu'on a vécu quelque chose, ça impacte les décisions qu'on va prendre. Alors, Dieu pour ramener son enfant ou ses deux enfants à la joie de son plan, pour ramener, il va faire un miracle. Un miracle. Et Gilles l'a dit là. Et le début du miracle, en fait, parce que vous savez qu'à Guéra, c'est pas une démocratie, hein. Donc, quand un roi enlève ta femme, il n'y a que Dieu qui peut te la rendre. C'est le roi. Il n'y a pas de juridiction supérieure à lui, c'est son pays. Quand un lion attrape une proie, là, il ne faut pas essayer d'aller l'arracher. Là. Vous allez laisser votre peau. Il va avoir deux repas, en fait. Mais Dieu va faire un miracle. C'est pas de les plans de Dieu vont s'accomplir. Premier miracle, j'ai la morcelé la semaine passée, la femme d'Abraham va lui être retournée. Mais bien plus que ça. Écoutez, lisons ce que la Bible dit. L'Éternel se souvint de Sarah et accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Ailleurs dans les Écritures là. Sarah, sa condition stérile là, nous est expliquée comme une opprobre de sa jeunesse, autrement dit, une honte de sa jeunesse. Dans le contexte à l'époque, c'est vécu extrêmement difficilement de ne pas être en mesure de donner un héritier à son mari. Okay? Et quand Dieu intervient dans sa vie de cette façon-là, suite à une accumulation d'épreuves, okay, c'est précisé pour Sarah, ce qu'il avait promis à Sarah. Sarah devint enceinte. C'est dit dans un même verset, devint enceinte et enfanta. Vu que j'ai un tout petit peu d'expérience, j'ai compris que ça ne se fait pas un aujourd'hui, l'autre le lendemain. Là. Fait que j'ai séparé en deux. D'abord, tu deviens enceinte. Ça dure 9 mois. En théorie. 9 mois. Et moi, j'ai vu ce qui se passe dans les 9 mois. Ce qui se passe, c'est que la femme enceinte, là, c'est comme une exposition. tout le monde t'aime, tout le monde t'ouvre la porte, tout le monde te pose des questions, tout le monde te parle. Sarah est le témoignage d'un miracle dont elle doit répondre à des questions autour d'elle. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que pour accomplir ce miracle, Dieu ne les a pas rajeunis. Il les a gardés dans l'état où ils étaient. Il a fait un miracle. Donc, une femme, on va dire mince. C'est exactement ça qu'il faisait quand Sarah leur disait qu'elle est enceinte. Mais moi, ça amusait le monde autour. Parce que c'est merveilleux. Pendant 9 mois, Mars doit répondre aux questions. Salut Mars. Oh, en passant, ce n'est plus ça. Ce n'est plus Sarah, c'est Sarah. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a changé. Tu es enceinte? Oui. Sarah était stérile. Sarah ne l'est pas. Sarah, Dieu l'a bénie. Je suis enceinte. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce renouveau? Dieu a dit, Dieu a promis, il n'y a pas longtemps. L'année passée, Dieu est passé devant chez nous. J'étais dans une tente, il parlait avec mon mari. Il a dit, et en plus, figure-toi, je n'ai vraiment pas cru quand il a dit ça. Et en plus, il m'a dit, ça va arriver. Ben, c'est arrivé. Ça, c'est première étape. Enceinte, témoignage vivant d'un miracle. OK? Ensuite, elle enfante. Là, là, c'est une autre affaire. Dans sa vieillesse, Sarah, je ne sais pas, 90 ou 91, Abraham a 100 quand elle donne un enfant. Et là encore, c'est un renouveau. Recommencer à ne pas dormir la nuit, répondre. Et on se dit, Abraham, là, sa maison est remplie de gens. Et tout ce monde-là les voit. Et tout ce monde-là voit ce témoignage. Tout ce monde-là est au contact direct de ce témoignage-là. Donc, ces miracles, peut-être que pas d'aussi évident, mais Dieu les fait dans nos vies quand on faiblit dans la foi. Okay? Et il nous ramène à lui dans ses plans. Parce que là, Abraham et Sarah sont de retour en conformité avec les plans de Dieu. Et je prenais l'exemple de, si je n'ai pas le goût d'être à l'église maison, là, c'est toujours à la fin, merci Seigneur que je suis venu. Ben, ça aussi, c'est un miracle. Parce qu'au début, je n'avais pas le goût du tout. Du tout. Et ça peut être ici aussi, ici le matin. Donc, Dieu fait des miracles. Dieu intervient par des miracles. Et des miracles, il en fait tout le temps pour nous. Et il nous rend témoin fidèle de sa bonté, de sa toute-puissance et de sa fidélité. Pourquoi? Parce qu'on va dire, il se passe des affaires dans ma famille, mais je suis en paix. Il se passe des affaires autour dans le monde, des guerres, mais je suis en paix. Cette paix-là, ce n'est pas parce qu'on est intellectuellement supérieur à ceux qui ont peur. Ce n'est pas parce qu'on a consulté beaucoup de livres de psychologie. C'est parce que Dieu fait des miracles dans la vie de ses enfants et les ramène dans la paix. Parce que son plan pour l'Église, son plan pour nous, c'est de nous garder dans la paix et de nous enseigner à marcher avec lui tranquillement. Je vais aller vite. La deuxième intervention, Dieu instaure la foi du croyant qui a faibli, que j'ai appelé croyant défaillant, la croyant qui a faibli dans la foi. Et en arrière-plan de tout ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça arrive qu'on soit faible. Dieu ne nous juge pas. Ça arrive qu'on tombe, Dieu nous relève. Mais soyons attentifs à l'intervention que Dieu va faire. Dieu restaure. Genèse 18, on avait lu que, avec Pierre, Abraham et Sarah étaient vieux, Sarah avançait en âge. Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Ça, c'est le cas de Sarah. Des situations où l'espoir est fini. Hey, elle a vécu ça pendant, ça fait depuis 90 ans, non? Elle a espéré, Elle a combattu, elle a cherché par tous les moyens, avec toutes ses forces. Et on a vu ce qu'elle a fait avec sa servante Agar. Elle a voulu, elle a souhaité. Elle ne pouvait plus espérer. Alors quand ça arrive, elle dit, mais qui aurait cru? Hein? Qui aurait dit, pas qui aurait cru, qui aurait dit à Abraham que Sarah allait faire des enfants? Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. Et qui aurait dit ça à Abraham? Si ce n'est Dieu. Donc, Sarah est revigorée dans sa foi. Okay? Et j'ai pris un psaume, le psaume 15, là, 115, là, versets 1 à 3. Hein? Ça dit, non pas nous, Éternel, non pas nous, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire à cause de ta bonté et de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles, où est donc leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, il fait ce qu'il veut. Notre Dieu est au ciel, il fait ce qu'il veut. Alors, qui aurait dit à Abraham, notre Dieu est au ciel, il fait ce qu'il veut. Le but, c'est pas que Sarah soit vraiment applaudie par ses servantes. Le but, c'est pas qu'on dise à Abraham, oh wow, à 100 ans, wow, bravo, félicitations. C'est pas vrai. Le but, c'est à cause de ton nom, non pas nous, à cause de ton nom, à cause de ta fidélité. Le but, c'est qu'ils disent les deux, il nous a dit, on n'a pas cru. C'est important de dire qu'on n'a pas cru parce que ça glorifie Dieu. Je n'ai pas cru tout de suite. Ce n'est pas vrai que Dieu a dit, puis on est tout le temps obéissant et on court, on s'en va. Non, ce n'est pas vrai. J'avais douté, j'avais hésité, je ne savais pas. Mais à cause de son nom, Dieu l'a fait. C'est important de le dire parce que ça glorifie Dieu. Troisième intervention, c'est celle d'une joie retrouvée. Moi, je suis convaincu que quand les deux allaient à Guérar, là, la joie n'était pas à son comble. Parce que Abraham, depuis qu'il est sorti de la maison de son père, quand il est allé en Égypte, il amène son neveu. Quand il apprend qu'il a été enlevé, il fait main et pied pour les délivrer. Quand il voit remonter la fumée bouillante de la colère de Dieu d'un lieu où son neveu habitait, là, ce n'est pas la joie dans son cœur. Il n'est pas au courant, il ne sait pas s'il vit, s'il est où. Et Sarah veut donner un enfant à son mari. Okay? Donc, ça nous dit, l'enfant grandit et fut sevré. Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Je le disais vendredi, là, les commentaires nous disent que c'est entre 2 et 3 ans, là, ce sévrage. Il paraît que c'est aussi un moment important. Après, quand on coupe le cordon, là, c'est quand l'enfant aussi sévré, quand il quitte le sein, c'est aussi un moment, toute une autre affaire aussi. Et Abraham n'avait pas, l'Écriture ne nous dit pas qu'Abraham a fait un festin quand Isaac fut sévré, quand Ismaël fut sévré. Okay? Mais ça précise ici, quand Isaac fut sévré, Abraham va faire un festin. Hein? Il va célébrer la bonté de l'Éternel. C'est important ça. C'est important des fois chez vous, chez nous. Vous levez le matin, vous vous habillez bien, vous faites un bon repas. On vous dit qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, je veux célébrer la bonté de l'Éternel. Je suis bien, je me parfume, je suis content, je suis heureux de ce que Dieu fait dans ma vie. Est-ce qu'on a besoin d'autres raisons pour ça? Je veux, un autre matin, aujourd'hui, je veux célébrer sa fidélité. Mais pourquoi? Parce qu'il le mérite, à cause de tout ce qu'il a fait pour moi. Abraham va célébrer. OK? Et pour c'est d'autres textes dans la Bible qui vont exprimer la joie de Sarah dans ces circonstances-là. On l'avait lu, j'ai choisi un autre parce qu'on a, on avait déjà étudié Esaïe, là, Esaïe 54 en parle en masse. Gilles vient de lire un autre tantôt pour une autre femme. Mais il y a un psaume qui dit, OK? Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel. Louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut, il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire les pauvres, du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile, il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants, louez l'Éternel. Quand à 90 ans, là, on peut percevoir qu'on avance vers le terme de la vie, dans ce contexte-ci de Sarah, c'est le début d'une vie nouvelle. Okay? C'est le début de la vie qu'il a toujours rêvé d'avoir avec son mari, avec sa famille. Là, les enfants, dans Esaïe 54, ça va dire « élargis la place dans ta maison, hein? Ne rétrécis pas, vas-y, parce que tu vas en avoir en masse. Hein? » Tu ne seras pas confuse ou confondu. Donc, c'est une joie qui exprime la joie de Sarah, qui exprime vraiment comment ce que Dieu fait pour elle vient la transformer, vient changer son état et qui va conditionner à partir d'aujourd'hui les restants de ses jours jusqu'à la mort. Ça s'appelle la grâce de Dieu. La grâce de Dieu agit, change nos vies, on est heureux, on célèbre Dieu, c'est le début. Pour lui, pour elle, ça commence à ses 90, je peux même dire Abraham à ses 100, là. C'est pas tard. C'est le plan de Dieu. Et dans le plan parfait, éternel, on comprend que ça, c'est nécessaire. Parce que cette joie, nous la partageons jusqu'à ce jour. Nous qui sommes sauvés en Jésus-Christ. La quatrième et dernière intervention de Dieu, Dieu qui rassure le croyant. Le bout du texte, je ne vais pas lire, là, d'Abimelech, qui parle d'Abimelech. Quand Abimelech va voir Abraham, comment lui voit Abraham? C'est quoi dans ce pays le témoignage d'Abraham? Abimelech ne dit pas, je vois que tu es un très bon gestionnaire, là. Tu gères très bien tes troupeaux, tu gères... Non. Abimelech ne dit pas, je vois que tu planifies tellement bien, tu es un homme... Non. Abimelech lui dit, je vais le lire, Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Dieu. Parce qu'Abimelech connaît un petit peu les défauts d'Abraham aussi. Là. Il dit, Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Le témoignage d'un tel homme, OK, ça ne fait pas de lui un homme parfait. Dieu est avec nous, mais ça ne nous empêche pas de traverser des moments d'hésitation, de doute et de crainte dans lesquels on a besoin que Dieu nous rassure. Et que Dieu nous rassure en utilisant d'autres gens autour de nous. Il a utilisé Abimelech la semaine passée, comme Gilles l'a expliqué. Ce n'est pas parce que Dieu est avec moi que je suis infaillible. Ce n'est pas parce que j'ai l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, lui, il est infaillible. Il n'a jamais dit que moi, je suis infaillible. Ce n'est pas parce que j'ai l'Esprit de Dieu que tu ne peux pas avoir peur. Tu ne peux pas douter, tu ne peux pas hésiter. Et pourquoi? Parce que je reste humain. Sarah, le jour où Isaac fut sevré, virait le fils Hagar. L'Égyptienne avait enfanté Abraham. Elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole, qu'est-ce qu'elle fait dans le cœur d'Abraham? Elle dit plus fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Ça, Dieu l'avait déjà dit avant, là, il le répète ici. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya, comme Dieu a demandé. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Isaac, l'enfant là, c'est un ado. Si Isaac est sévère à 12, 2, 3 ans, là il a 15 et 17, on va dire. Et 14, 15, 16, 17 ans, là que tu as grandi au pied de ton père, dans la maison de ton père, il s'est investi, il t'aime. Il est attaché. Mais il se trouve un fait spirituel que c'est Isaac, le fils que Dieu a établi pour être l'héritier des promesses d'Abraham. Il va dire, accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira la postérité qui te sera propre. Et par conséquent, pour que cette vérité soit habite visuellement, ce témoignage soit vivant dans la maison d'Abraham, Dieu demande, laisse partir l'autre. Quand Sarah, ce n'est pas un caprice que Sarah fait du tout. C'est Dieu qui demande au travers de Sarah, qui parle à son mari au travers de sa femme. Ce n'est pas une colère contre Ismaël, ce n'est pas la haine d'Ismaël. Quand dans Galates, on va citer ce passage, on ne cite même pas Sarah, on dit, que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son enfant. Que dit l'Écriture? Ça ne dit pas que dit Sarah. Que dit Dieu? C'est Dieu qui demande au travers de Sarah. Mais Abraham est humain. Christian me faisait remarquer quelque chose. C'est très intéressant, quand vous faites l'étude de l'Ancien Testament, là, il y a des événements qui permet de s'imaginer un petit peu le caractère du personnage dans la vie, là, que ce soit Abraham, Isaac, Jacob, là, c'est très intéressant. Quand ce que Dieu demande à Abraham là, n'est pas facile. Okay? Et ça peut arriver aussi que nous, dans notre marche avec Dieu, dans notre vie d'église, on soit confronté à des situations où ce qui nous est demandé par l'église ou par ses dirigeants ne soit pas facile à accepter. Ça arrive. Si ça ne vous est pas arrivé, allez voir vos dirigeants. Ça arrive, OK? Sur le plan humain, ce n'est pas facile. Pourquoi? Parce qu'on a toutes des personnalités différentes. Regardez, remarquez un petit peu quelques traits de personnalité d'Abraham. Pour lui, ça paraît, c'est un homme de famille. Protège l'autre. Protège avec des armes. Ce n'est pas protéger, genre avec des mots là, protège. Et il plaide même devant Dieu en faveur d'Ismaël. Là. Dieu dit, ça sera, Sarah va te faire un enfant. Et il dit, oh, que Ismaël vive devant ta face. Et je l'ai mis deux fois, mais ce que je voulais mettre dans Genèse 20, ce n'est pas ça. Et devant, quand sa femme, Dieu vient parler au travers de sa femme, ça déplaît, ça dit à cause de son fils. Protège encore son fils. Mais pourquoi il va le faire? Pourquoi il va le laisser partir? À votre avis? Parce que Sarah a donné de très bons arguments. Sarah a fait des charmes et ça a charmé Abraham. Non. Parce qu'à un moment donné, là, quand on a une réaction humaine, parce qu'on est tous humains, on est attachés, etc., là, il faut passer à l'étape spirituelle. Hein? C'est Dieu qui le demande. Dieu le demande, donc, je vais m'y ranger. Je vais, avec la grâce de Dieu, trouver la force de le faire, d'obéir, de me soumettre. Et cette soumission que Dieu est en train d'enseigner à Abraham, là, on va le voir la semaine prochaine dans chapitre 22, il va lui demander une obéissance encore plus compliquée. Mais s'il avait refusé au premier, comment obéirait-il au deuxième? Donc, je reviens au point, Dieu rassure. Et comment Dieu rassure Abraham dans ce contexte ici? C'est parce que Dieu connaît Abraham. Dieu n'est pas venu lui dire, allez, go, go, go, laisse-le partir, vite, vite, vite, vite. Ce n'est pas comme ça qu'il a traité. Il a rassuré et lui dit, je prendrai soin de lui, car il est aussi ta postérité. En le laissant aller, ce n'est pas Abraham, là, tu n'es pas heurté dans ton homme familial, ok, parce que tu es un être familial, qui aurait laissé partir son fils ou qui aurait abandonné son fils. C'est Dieu qui te le demande et rassure-toi, je m'en occuperai. Dieu le lui demande, Dieu l'amène à cette obéissance avec beaucoup de douceur. Ce n'est pas la première fois que Dieu va lui dire qu'il va s'occuper d'Ismaël, mais il a besoin que Dieu le lui répète ici. Ça aide à la paix, à la confiance. Ça aide à être rassuré. Okay? Donc, il va se soumettre parce que c'est Dieu, mais Dieu l'aide. Comment? Ben, en le rassurant. Et non seulement il le rassure, il lui dit, je ferai aussi une nation du fils de ta servante, il est ta postérité. Là, Abraham va se lever de bon matin, comme à la lui, va laisser partir la famille. Et que se passe dans le désert? Que se passe-t-il? C'est que Dieu a dit à Abraham, il le fait. Il le fait pour son fils, il le fait pour Agar. C'est Agar qui pleure là. Mais Dieu dit à Agar, j'ai entendu les pleurs de l'enfant. Dans le verset, c'est Agar qui pleure. Parce que l'enfant est entre les mains de Dieu. Donc, je résume, j'ai pris beaucoup de temps. Dieu fait des miracles dans nos vies. Il en fait. Si on ne les voit pas, ça vaut la peine de prêter attention. Il les fait pour nous ramener à son plan, au plan qu'il a pour nous et au plan qu'il a pour son Église. Même quand ça va mal, là, on a le sentiment que ça va mal, que ça va mal dans l'Église. L'Église n'échappe pas aux mains de Dieu. Okay? Et Dieu restaure la confiance quand certains événements sont venus nous troubler. Il restaure la foi. Okay? Il restaure la confiance en ses plans. Il restaure la confiance parmi les frères et sœurs. Il restaure la confiance en nos dirigeants. Okay? Il redonne la joie de marcher ensemble, de servir ensemble, de vivre ensemble. Et il rassure quand nous sommes confrontés à des décisions qui nous heurtent, parce qu'on doit laisser aller des choses, on doit laisser aller des personnes. Dieu rassure, il dit, regarde à moi qui te demande de faire. Le reste, je vais m'en occuper. OK? Et je vous laisse avec ça, ou du moins, je nous laisse avec ça. Jésus dit, que quand il s'apprêtait à retourner auprès de son Père au ciel, il dit à son Père, et maintenant je vais à toi. Et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient, ils, les croyants, les disciples, les enfants de Dieu, ils aient ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne t'ai pris pas de les ôter du monde, mais de quoi? De les préserver du mal. Je vais le redire en d'autres mots. Ne les laisse pas s'égarer loin de tes plans, ô Père éternel. Ne les laisse pas prendre des décisions qui les éloignent de toi. Ne les laisse pas sombrer dans quand leur foi tombe en défaillance, mais relève-les. Préserve-les du mal. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, là, nous qui sommes enfants de Dieu, va nous exhorter, va nous rendre ce témoignage pour nous exhorter à être toujours persévérants dans la communion et dans la foi. Il dit que nous sommes pressés de toute manière, là, il y a toutes sortes d'événements qui nous arrivent, mais jamais réduits à l'extrémité. Dieu n'abandonne jamais. Ça arrive que nous soyons dans la détresse, mais jamais désespérée. Sarah a été tombée dans le désespoir, n'espérait plus avoir des enfants, Dieu l'a relevée. Persécutée, ça peut arriver, mais jamais abandonnée. Abattue, comme Abraham, jamais perdue. Alors, ces paroles sont pour nous encourager. Nous qui sommes ou qui avons confessé notre foi en Jésus-Christ. Et si nous n'avons pas confessé, je pense que Christian a introduit la matinée avec ça, notre foi en Jésus-Christ, il est possible, la main de Dieu est tendue, l'amour de Dieu est ouvert, grand ouvert. C'est tout à fait possible de s'humilier devant Dieu et d'accepter Christ, d'accepter le Saint de Dieu que Dieu nous a envoyé pour nous garder en relation avec lui, pour nous sauver de nos péchés. Mais le « mais » n'est pas négatif, c'est positif. Comme Abraham, on va traverser en marchant avec Dieu des choses difficiles. C'est pas vrai qu'on vient dans le Seigneur, ça vous dit que le monde devient rose, le ciel est bleu à grandeur. C'est pas vrai. On va vivre comme Abraham des moments difficiles, mais souvenons-nous que Dieu intervient. Il ne faut pas se laisser aller dans ces moments difficiles-là, et jamais se laisser aller dans ces moments difficiles-là. Soyons à l'écoute de l'intervention de Dieu. Amen.